Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Campagne et petite ville, les paysans face à l'industrialisation. Mais quel choc, quel changement! Nos ancêtres dans les campagnes, dans leurs champs, ont vécu des bouleversements incroyables. Le chemin de fer, les machines, l'exode rural et les transformations sociales. Mais le rapport qu'ils entretenaient avec les villes et les petites villes a-t-il si profondément changé? Comment les mondes paysans se sont-ils ancrés dans des espaces qui dépassent la ruralité? Pierre Cornu, bonjour. Bonjour. Nous réfléchissons aux campagnes et aux petites villes au moment de l'industrialisation. Mais avant tout, il faut le dire, le lien entre le monde des paysans et puis celui des villes est une constante. Il n'est pas possible d'être paysan, même sous l'Ancien Régime, sans prendre en compte la ville. Il n'est pas possible, effectivement, aux sociétés rurales de vivre sans la ville, mais il est encore plus difficile pour les villes de vivre sans ce qu'elles puisent dans le monde rural, pour leur approvisionnement, pour leur force de travail. Effectivement, donc, c'est une relation asymétrique, mais très dense, tout au long de l'histoire. Et au XIXe siècle, il se passe comme une accélération. Alors, le XIXe siècle est assez paradoxal de ce point de vue, puisque l'effet de la Révolution est d'avoir supprimé toutes les différences de règles, de statuts, entre le monde des villes et le monde des champs. Et donc, a priori, l'effet de la Révolution est d'avoir créé un territoire unique, découpé en départements, en communes, qui ne distingue pas dans la loi les communes rurales et les communes urbaines. Et pourtant, effectivement, c'est le siècle qui va marquer dans les imaginaires, dans les pratiques, une dissociation entre le rural, qui est assimilé effectivement à l'espace nourricier, à l'espace qui vient du passé, qui est porteur des mondes anciens, et la ville qui est le lieu de l'innovation, de la modernité, de l'industrie. Alors même que les travaux des historiens l'ont montré, l'industrialisation se fait aussi bien dans le monde rural que dans le monde urbain, et qu'on oublie toujours que le secteur tertiaire, le secteur des services, lui aussi est moteur au XIXe siècle. Voilà, on a un paysage beaucoup plus compliqué que les représentations. Et dans ces représentations d'un monde rural figé dans le passé et nourricier, il est intéressant d'essayer, Pierre Cornu, de savoir comment se construisent ces images. Qu'est-ce qui impose cette idée d'un monde toujours un peu ancré dans ce qu'il y a avant ? Alors c'est une vaste question. Je crois qu'effectivement il y a quelque chose de singulier dans le rapport de la France à ses espaces urbains et ruraux, parce que on a vu se construire très tôt et se cristalliser notamment à partir de la Révolution un imaginaire dual, un imaginaire dans lequel effectivement les rats des villes et les rats des champs ont des fonctions différentes, et que cet imaginaire a eu une telle force qu'il a dépassé la complexité réelle des rapports sociaux et des rapports économiques, et il a fini par être structurant. Il a fini par structurer notre imaginaire jusqu'à aujourd'hui, la représentation du monde rural au Salon de l'Agriculture, qui effectivement puise dans un imaginaire qui remonte au XIXe siècle. Oui, parce que dans cette réflexion que nous pouvons avoir sur ce 19e siècle, il y a quelque chose d'intemporel. Et c'est cela aussi qui est magique, parce que cette intemporalité est liée à notre imaginaire. Exemple avec une archive. À Cussac, priorité avait été donnée aux races chevalines de trait. Ce concours était organisé par le syndicat d'élevage hippique Limousin-Tardoire dans le cadre du comice agricole du canton d'Oradour-sur-Vair. Largement ouverte à tous les éleveurs de la région, cette manifestation avait attiré un nombre élevé de participants et l'on pouvait y admirer des sujets d'une qualité souvent exceptionnelle, percherons et bretons notamment. À Lubersac, la race bovine occupait seule toute la place du marché. Cette foire, la plus suivie de ce canton corrézien, a une fois encore apporté l'évidence de la vitalité de cette race à la viande renommée, au rendement élevé, à l'allure puissante en dépit d'une charpente osseuse légère. Là aussi, vendeurs et acheteurs se pressaient nombreux. Une remarque s'impose, le soin apporté à la sélection des animaux reproducteurs accroît chaque année la qualité d'une race qui peut et doit porter très haut et très loin la renommée de l'élevage limousin. Les comices agricoles, mais tellement 19e siècle. Évidemment, ici, pour la forme, nous sommes dans l'Institut National de l'Audiovisuel. L'INA, ce sont les archives de l'audiovisuel. Mais Pierre Cornu, dans ce qui est dit, oh, ça pourrait être un discours du 19e siècle. L'amélioration des races, le concours. Alors effectivement, le 19e siècle a été obsédé par l'idée du progrès au champ et notamment du progrès en matière d'élevage. Et alors c'est plutôt à la fin du siècle, hein, mais effectivement les institutions publiques vont jouer un rôle crucial dans l'amélioration du cheptel national et dans la mise en scène de cette amélioration. Je crois que c'est l'une des voies de renouvellement de l'histoire rurale, c'est de croiser l'histoire économique et sociale avec une histoire des sciences et des techniques qui met en valeur effectivement comment les institutions ont porté la sélection génétique, comme on dirait aujourd'hui, c'était pas les mots de l'époque, mais comment voilà cet imaginaire du commis, hein, un peu hors du temps, était aussi un lieu de promotion du changement dans l'évolution des cheptels, des plantes, des techniques. Effectivement, le changement, il est là, il est dans cette, sur ce point de contact qu'est le fait technique. Entre les évolutions sociales, les évolutions de l'écosystème en réalité, hein, végétal et animal. Et quand on se concentre sur les techniques, sur l'évolution technique, on voit que le 19e siècle est fait un très grand nombre de micro-innovations qui sont sur la sélection, sur les machines, mais pas seulement sur les machines, sur l'énergie, sur le travail, et que l'histoire du développement agricole et rural au 19e siècle, c'est un formidable mouvement collectif d'innovation par le bas, en grande partie, mais innovation par le bas qui est médiatisée par la petite ville, médiatisée par l'appareil d'État et ses soutiens au développement. Eh bien, pour nous parler des petites villes, ça tombe bien, Corinne Marache est avec nous, bonjour. Bonjour. Les petites villes et le monde agricole, la France au 19e siècle, c'est l'ouvrage que vous publiez aux presses universitaires de Rennes. Pourquoi vous êtes-vous intéressé aux petites villes? Bien souvent, au 19e siècle, bah, comme toujours, on met en avant le progrès absolu, l'industrialisation, les mines. C'est très bien d'avoir ces regards d'histoire rurale, mais pourquoi la petite ville? En fait, les faits remontent à quelques années, au cours de ma thèse très exactement, qui portait sur la modernisation des campagnes vues à travers un territoire du Périgord. Et au cours de ces recherches, je m'étais aperçue effectivement du rôle majeur, crucial même, que jouaient les petites villes dans ces changements qu'a évoqué Pierre tout à l'heure. Changements multiformes, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux. Et effectivement, la petite ville m'était vraiment apparue comme un point central et malheureusement un point très largement laissé de côté par les historiens qui, même s'ils l'ont abordé dans les grandes thèses d'histoire rurale que nous connaissons bien, anciennes ou plus récentes, n'en avaient jamais fait un objet d'étude en tant que tel. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité travailler sur cet espace méconnu intermédiaire. Vous avez bien fait, Corinne Marache. Mais alors pourquoi cet espace n'avait pas été étudié? Peut-être tout simplement parce qu'il est dur à définir. Qu'est-ce qu'une petite ville? Oui, alors là, le sujet est extrêmement vaste. Les géographes ont largement discuté sur ce fait, selon la période, selon l'espace, selon le territoire, selon les pays, bien évidemment. La définition que l'on donne d'une petite ville peut être largement fluctuante, très mouvante même. Donc, j'ai souhaité rappeler les différents débats dans l'ouvrage pour ceux qui souhaitent avoir des éléments plus précis. Mais en fait, j'ai pris une position qui était finalement assez simple, hein, qui est celle de considérer la petite ville comme le premier centre urbain de référence en milieu rural. Ça peut être un gros bourg, ça peut être une petite ville. On peut s'étendre de 1500 habitants à peu près à 4 ou 5000. Globalement, pour faire les choses simplement, ça correspond à ce que nous appelons les chefs-lieux de canton. Il peut y avoir des petites villes qui ne sont pas chefs-lieux, mais très très globalement, ça correspond à cette entité administrative qu'est le chef-lieu de canton, qui est un espace extrêmement important pour le monde paysan, qu'il s'agisse des questions administratives, mais aussi commerciales ou de services, dont vous avez prononcé le terme tout à l'heure. Oui, parce que le commerce, le service, bah, la petite ville, bien sûr, une fois par semaine, parce qu'il y a le marché quand même dans la petite ville. Corinne Marache, dans ce fonctionnement, nous sommes héritiers au 19e siècle de pratiques anciennes, avec peut-être une accélération des phénomènes, mais l'idée de cultiver sa terre et d'aller vendre une partie de ce qui a été produit au marché, alors toutes les semaines ou peut-être un peu plus, voire à la foire à Noël, c'est une pratique ancienne. Oui, bien sûr. Les faits que l'on décrit pour le 19e siècle dans la petite ville ne sont absolument pas nouveaux. Hein. Le marché hebdomadaire, les foires mensuelles ou bimensuelles, ce sont des choses qui existent depuis plusieurs siècles. Donc rien de nouveau à cela. Ce qui change véritablement au 19e siècle, c'est que tout cela prend une importance quantitative et qualitative également. C'est-à-dire que on est en pleine révolution industrielle, on est en pleine révolution des transports. transports, en plein également accroissement économique, les gens bougent de plus en plus, les gens consomment de plus en plus, la part de la population urbaine ne cesse d'augmenter, notamment dans cette deuxième moitié du 19e siècle, et donc les consommateurs qui ne sont pas à même de produire eux-mêmes leur nourriture sont de plus en plus nombreux d'une part et de plus en plus exigeants d'autre part. Et donc c'est pour ça que ce rôle de commerce, de redistribution de la petite ville va se poser dans des termes complètement nouveaux finalement à partir du 19e. Quelles sont ces nouveautés ? Alors les nouveautés, elles sont multiples. Je pense que la première chose que l'on peut évoquer, c'est effectivement le rôle de carrefour de la ville, qui lui non plus n'est pas nouveau, mais qui connaît un accroissement incroyable au XIXe siècle. C'est le siècle où l'on construit énormément de routes. Il en existait déjà, bien sûr, et ces petites villes étaient déjà des carrefours. Mais les campagnes qui entourent ces petites villes se dotent de voies de communication de plus en plus denses, sur lesquelles on peut se déplacer de plus en plus facilement et rapidement, et donc, de fait, sur lesquelles on peut transporter les produits que l'on transforme au champ et qui, pour une grande majorité d'entre eux, en tout cas, avaient bien du mal jusque-là à s'acheminer vers la ville. Donc ça, c'est un élément nouveau. Le chemin de fer aussi, bien évidemment, qui va faire de ces petites villes et des villes en général, évidemment, des espaces de redistribution majeurs. Les petits ports également, qui soit sont anciens, mais qui sont aménagés bien souvent et qui permettent eux aussi une redistribution. Et puis surtout, la mise en connexion avec des espaces de conditionnement et de transformation des produits alimentaires qui donc sont de plus en plus nombreux à quitter les campagnes pour s'acheminer vers les villes, qui sont très présents et très nombreux dans les petites villes. Et c'est cela que l'historiographie a bien souvent oublié jusqu'à présent et que j'ai souhaité aussi mettre à l'honneur dans ce livre. Qui est important, effectivement, les petites villes et le monde agricole, le paysan dans son champ. Au milieu du 19e siècle, soudain, voit passer une locomotive à vapeur. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Voilà, le train vient de passer. Pierre Cornu, le train révolution pour les transports comme une évidence au 19e siècle, qui renforce en fait la polarisation. Ces petites villes qui étaient déjà importantes pour les marchés, pour le commerce, deviennent encore plus importantes grâce au chemin de fer. Effectivement, le chemin de fer a un rôle structurant majeur, mais je crois qu'il faut prendre une perspective comparée, parce qu'elle va nous aider à comprendre le débat. En Europe, les réseaux de chemin de fer se construisent pas de la même manière dans tous les pays. La singularité de la voie française, c'est à la fois bon le schéma que tout le monde connaît de la toile d'araignée à partir de Paris, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi l'importance très grande qui est donnée notamment à partir de la Troisième République aux réseaux régionaux, à la desserte des petites villes justement, à la desserte des bassins de production agricoles, un effort qui est symbolisé par le plan Freycinet de la fin des années 1870 qui va faire effectivement que le chemin de fer arrive dans les très petites villes, et qu'il permet de transporter les pondéreux, de transporter les céréales, le vin, mais aussi les animaux, et donc de dynamiser les échanges. On est à une époque où les villes françaises croissent, mais moins vite que dans d'autres pays. La population française du 19e siècle est déjà assez malthusienne par rapport à d'autres pays, donc on est dans un pied à la croissance modérée sur tous les plans. C'est pas un siècle de révolution pour la France, c'est un siècle de micro-évolution permanente, et donc des ajustements du paysage, de la structuration de l'espace, se font effectivement dans un dialogue entre une société encore massivement rurale, mais polyvalente, plus réactive, et un appareil d'État qui se fait le pilote du développement en essayant d'équilibrer la prise de risque et l'innovation dans les grands centres urbains, dans les grands bassins industriels, et puis une politique qu'on va qualifier de agrarienne dans la vaste France rurale, où on cherche un développement maîtrisé, contrôlé, dans lequel effectivement on apporte des éléments de progrès, entre guillemets, des moyens de transport, des possibilités de diffuser les produits, et on va encourager la petite et la moyenne exploitation à produire pour le marché urbain, pour faire monter en qualité l'alimentation nationale sur les produits végétaux, mais beaucoup les protéines animales. C'est le début de la consommation beaucoup plus massive des fromages, des vins, etc., de la viande dans les centres urbains. Et donc on a un modèle spécifique de développement qui prend corps dans la deuxième moitié du 19e siècle principalement. Histoire des paysans, acteurs du progrès. Corinne Marache, Pierre Cornu vient d'évoquer la réactivité. Nous sommes surpris aujourd'hui par la diffusion très rapide des informations et surtout la capacité à s'adapter très vite à la demande. Les petites villes sont essentielles dans ce cheminement. Oui, tout à fait. Effectivement, ces petites villes, je le disais tout à l'heure, c'est le premier espace urbain de référence pour les paysans, qui s'y rendent, sinon toutes les semaines, mais en tout cas au moins plusieurs fois par an, comme vous l'avez dit, pour aller vendre leurs produits à la foire ou au marché. Et c'est notamment au cours de ces événements commerciaux qui sont les lieux d'échange principaux, hein, des produits alimentaires et des produits agricoles au XIXe siècle, ce sont ces événements qui spécifiquement mettent le monde paysan, le monde des producteurs finalement, face aux consommateurs. C'est-à-dire ce sont ces moments du marché ou de la foire qui leur donne à voir et à comprendre finalement les attentes des consommateurs urbains, alors ceux de la petite ville, mais pas uniquement, puisque ces foires et ces marchés sont fréquentés par des négociants, par des revendeurs qui viennent ici chercher des produits pour les expédier ensuite dans d'autres zones du territoire français ou même au-delà. Et donc c'est vraiment la petite ville à ce titre, hein, est essentielle parce qu'elle est la vitrine des produits et qu'elle les donne à connaître, qu'elle participe à leur renommée, mais qu'elle donne aussi à connaître aux paysans les évolutions qu'ils sont censés donner à leur production, qu'il s'agisse des attentes concernant les fruits et légumes, par exemple sur des fruits, pour s'orienter plutôt vers telles ou telles variétés, plus tendres, plus juteuses, plus sucrées, ou vers telle race bovine ou chevaline. Donc c'est vraiment essentiel pour la mise en connexion, finalement, pour la mise en lien entre les producteurs et les consommateurs. Pierre Cornu, dans ces représentations que vous avez évoquées en début d'émission, il y a ce monde rural un peu figé. Non, il y a une forte circulation de l'information, il y a beaucoup de discussions autour de l'évolution du monde agricole. Je crois effectivement que, bon, on a donné une telle importance au mythe de l'exode rural dans l'histoire française, qu'on a imaginé des rats des villes et des rats des champs qui ne savaient pas se parler, et que quand les rats des champs quittaient leur campagne pour devenir des urbains, ils oubliaient le monde rural. C'est oublier que la France est un pays de taille modeste, où les migrations vont dans les deux sens, où les relations familiales se maintiennent très longtemps, et donc il y a des circulations de l'information, circulation des produits, des pratiques, qui se font dans la durée, de manière très dense, entre le village, la petite ville, la capitale, y compris des aventures extérieures, il y a quand même des Français qui bougent au 19e siècle aussi, et donc il faut se dire que les questions qu'on se pose aujourd'hui, qui sont des questions urgentes sur la reterritorialisation des systèmes alimentaires, sur la durabilité des systèmes de production, c'est ça qui fait qu'on s'interroge aujourd'hui à nouveau frais sur le 19e siècle pour comprendre cette économie très intime, très complexe de la circulation des pratiques, des signaux du marché, des petites productions marchandes, etc. Aujourd'hui, toutes les villes demandent aux chercheurs de documenter au 19e ou au début du 20e siècle, comment fonctionnait le marché alimentaire? Comment on peut retrouver une connexion entre les producteurs et les consommateurs? Eh bien, les historiens du 19e siècle sont requalifiés de manière assez étonnante aujourd'hui pour questionner ces problématiques-là. Et effectivement, nous ramenons des travaux anciens ou nouveaux de nos recherches qui démontrent que la voie française de développement agricole et de changement des systèmes alimentaires passe par une capillarité extrêmement fine des systèmes de circulation des biens et des hommes. Et donc, il faut comprendre qu'effectivement, la structuration du système alimentaire national, elle s'est faite par des micro-liaisons dans lesquelles les petites villes ont un rôle essentiel. Passionnant ça de se dire, et on le sait tous, mais il faut le rappeler sans cesse, le rôle des historiens, des historiennes pour répondre à des questions contemporaines, notamment sur la question des subsistances. Mais en quoi ce modèle français est une réponse ou un élément de réponse à l'idée aujourd'hui de subvenir aux besoins d'une grande ville? C'est cette proximité, parce que vous l'avez dit, petit pays, et puis toutes ces échelles possibles du bourg, de la petite ville à la grande ville et même autour de la grande ville, il y a de quoi subvenir pour les besoins de la population. D'abord, il faut rappeler des réalités élémentaires. La France est un pays bien doté, qui a des sols riches, qui a des climats variés, qui a une forte densité de population rurale au 19e siècle. Et donc, c'est essentiellement par l'investissement en travail humain que se fait la montée en qualité et en quantité de la production française au 19e siècle. C'est une économie familiale pour l'essentiel, sauf quelques grands bassins de production, quelques grands bassins spécialisés comme les vignobles ou le bassin parisien pour les céréales notamment. Et donc, ce modèle économique, il va tirer profit du surinvestissement de l'économie familiale et de la capacité de l'univers social de la petite exploitation à entendre les signaux du marché et à fournir les nouveaux fruits et légumes, les produits carnés, les laitages, les fromages qui vont arriver sur la table des citadins et qui vont permettre à l'économie rurale de se renforcer en retour dans une boucle positive de développement qui articule l'urbain et le rural. Ce ne sont pas des taux de croissance extraordinaires, ce ne sont pas des changements sociaux révolutionnaires au XIXe siècle, mais ce sont effectivement des évolutions significatives qui vont consolider un modèle qui est celui d'une agriculture peuplante, qui tient son territoire, qui tient la terre, et qui accède au marché par toute une série de petits réseaux qui permettent effectivement d'expliquer aussi le modèle alimentaire français. Il se construit au XIXe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui la gastronomie française, c'est une invention récente, les fromages, les vins, etc., se structurent dans ce modèle économique du XIXe siècle. Et c'est en cela que, on y revient toujours là, dans l'historiographie française, le XIXe siècle, c'est le grand siècle de l'école de l'histoire économique et sociale. Pour l'historien, c'est un siècle extraordinaire parce que, d'abord, on a les plus belles archives. Les archives en continu, c'est un siècle de paix pour la France, hein, entre 1815 et 1914, donc les archives sont conservées dans des séries extrêmement belles. On peut travailler donc de manière très fine à l'échelle des individus sur le 19e siècle. Et puis, c'est aussi le siècle de début de la pensée économique. Hein, c'est le siècle à la fois des libéraux et de Marx et de ses héritiers. Et donc, la tradition de l'historiographie française, c'est de tester au 19e siècle, notamment dans le monde rural, ce qui fait le développement, ce qui a fait la croissance des sociétés modernes. Et ce qui fait le développement et la croissance des sociétés modernes, c'est le savoir paysan. Petit tour dans le Berry. Tu te souviens quand on avait la vigne ? Tu venais avec moi la soigner. Des fois, on rentrait à la nuit tombée. Oui, je me souviens. Je l'attendais tout l'hiver. Elle se réveillait avec le printemps. Les bourgeons s'ouvraient. La terre qu'on enlevait. Et puis les sarments plus vigoureux. Ah, ça sentait... Arrête. Tu te fais du mal. Tu te souviens quand on a aéré les grappes au mois d'août ? J'aimais bien. Ah, fallait de la douceur et puis de la patience, hein. Mais tu te débrouillais pas mal, toi. Tu te débrouillais bien. Un extrait de La Petite Fadette, le film de Michaela Vato, d'après le roman de George Sand, évidemment, en 1849, dans cet extrait de film. On a reconnu la voix de Richard Bohringer qui s'aérait les grappes au mois d'août. Corinne Marache, ce grand savoir paysan dans La Petite Fadette, nous avons quelque chose d'intemporel avec une transmission. Mais au XIXe siècle, ce savoir-là s'accompagne d'un autre savoir qui passe par les petites villes, qui est celui des agronomes, de l'amélioration pour cultiver, cultiver mieux et produire un surplus. Oui, exactement. Donc la transmission que l'on voit très bien dans La Petite Fadette se poursuit, mais effectivement le savoir se technicise. Hein. Pierre Cornu a parlé tout à l'heure de l'importance de la science et des techniques qui font que ce métier est un métier qui finalement exige un certain nombre de prérequis pour faire fonctionner des machines de plus en plus performantes, mais aussi pour savoir utiliser les engrais, les produits phytosanitaires qui commencent aussi à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, à faire partie de ces logiques et de ces pratiques agricoles. Donc le savoir paysan se complexifie, se densifie et on voit apparaître un certain nombre de structures qui permettent de le soutenir et de le développer. Alors, on a évoqué les comices tout à l'heure, hein, qui sont finalement les premiers acteurs de diffusion de ce savoir agricole. Le jour du concours du comice agricole ou l'exposition agricole qui accompagne souvent ce comice sont autant d'espaces qui permettent de connaître, de se tenir au courant des nouveautés, des derniers produits qui ont pu être confectionnés dans le domaine du soin des plantes, du soin des animaux, etc. Mais il y a aussi évidemment les écoles d'agriculture. Alors je ne m'y étendrai pas ici puisque le cœur de notre sujet c'est plus la petite ville. La petite ville, elle est par contre le théâtre de l'intervention et de conférences fréquentes des professeurs d'agriculture, qui commence à apparaître dans la deuxième moitié du 19e siècle et qu'une loi de la Troisième République impose à tous les départements qui doivent désormais se doter d'une chaire de professeur d'agriculture. Donc ces professeurs d'agriculture sont itinérants, ils ne sont pas attachés à une école en particulier, et à la demande des maires, à la demande des présidents de commissions agricoles, ils se déplacent dans les campagnes et surtout dans les bourgs, là où ils sont susceptibles de trouver le plus de monde, pour proposer des enseignements très ancrés finalement dans les logiques et les besoins des agricultures diverses et variées en fonction des régions, qu'il s'agisse de la manière dont on taille la vigne, qu'il s'agisse du soin à donner au bétail, qu'il s'agisse encore du gémage des pins pour les langues de Gascogne par exemple, etc. Donc on a là finalement tout un panel d'outils que l'on met au service du monde paysan pour qu'il s'approprie finalement ces savoirs nouveaux liés à ce monde de la révolution industrielle dans lequel ils sont complètement pieds et poings liés. Pierre Cornu, vous avez évoqué les sources, les archives. Pour le 19e siècle, l'historien, l'historienne du monde rural, mais bénéficie alors d'une quantité d'imprimés, de documents, d'ouvrages, de toute forme, de réflexions, d'agronomie. Et c'est vrai que cela a produit énormément de sources possibles. Mais alors, c'est presque inimaginable de toutes les saisir tant il y en a. Effectivement, mais je crois que pour le coup, il faudrait prendre une période de référence plus grande. Hein. Il se trouve que je travaille actuellement sur les archives de la Bergerie nationale de Rambouillet, qui remontent donc à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est fascinant de voir comment, au siècle des Lumières, déjà, des opuscules qui proposent des manières d'élever les animaux, de cultiver le sol, de pratiquer l'enrichissement des terres ou l'amélioration du bétail, fourmillent. On a des rangées entières d'ouvrages, de traités, de rapports, de conseils, etc. Et le XIXe siècle continue sur cette lancée. Mais il y a quand même un point que l'historien doit souligner. C'est le fait que le 19e siècle a une grande difficulté à établir un lien entre l'appareil d'État, je dirais, et la société rurale dans sa grande masse, parce que les corps intermédiaires sont faibles. Parce que les corps intermédiaires ont été fragilisés et antagonisés par la Révolution, et que le monde des notables, qui dans d'autres pays joue un rôle beaucoup plus important de médiation entre l'État et la société, fonctionne mal en France. Et que ce dont a parlé Corinne Marache, les professeurs d'agriculture, c'est une solution tardive et imparfaite qui est trouvée pour tenter de diffuser le progrès de manière descendante. Et ce qui est intéressant dans l'évolution spécifique de la France au XIXe siècle, c'est que cette pédagogie du progrès, elle ne rencontre pas exactement l'innovation ascendante du monde rural et que les ajustements mettent très longtemps à se trouver. On pourrait prendre l'exemple de la révolution pasteurienne sur la qualité du lait, sur la maîtrise de la technologie beurrière et fromagère. Et effectivement, entre les savoir-faire de la ferme, notamment les savoir-faire féminins, et ce que les professeurs en chair professent, eh bien, le lien va être très difficile à être réalisé. Il faut peut-être même attendre plutôt le milieu du XXe siècle, la création de l'INRA, pour que un organisme de recherche puissant soit capable d'aller jusque dans le monde rural, toucher l'essentiel des exploitations avec effectivement de l'innovation beaucoup plus lourde, beaucoup plus transformante. Voilà l'INRA, l'Institut qui œuvre pour le développement de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement. Mais ce 19e siècle que nous évoquons n'est pas un bloc, et vous faites bien de le souligner, Pierre Cornu. Ce n'est pas la même chose à la fin du 19e siècle qu'au début du 19e siècle. Petit tour dans les années 1820 avec un héros. Jacques le Croquant. Mais il y a 10 métairies là où il devrait y en avoir 3. Je sais. Je n'ai pas assez de terre. Et vous êtes si nombreux. Et pourtant, j'ai partagé entre vous. Je croyais avoir agi au mieux. Non, mais je suis étonné, vous savez. Vraiment très étonné par vos propos. Et encore, vous n'êtes pas tous métairies. Il y a des journaliers parmi vous. Non, vraiment, vous me surprenez. Je vous croyais plus charitable. Nous avons hélas traversé, vous et moi, des périodes troublées. Et cela nous a guère été profitable. Le désordre ne l'est jamais. Et nous avons chacun de notre côté des efforts à fournir. Il n'est jamais bon de se laisser entraîner par les illusions. Vouloir changer le monde, quel orgueil. Mais non, le monde est ce qu'il est. Et c'est Dieu qui l'a créé. Ne l'oublions pas. Et ce que Dieu a fait, l'homme ne doit pas le défaire. Un extrait de Jacoule Croquant, le film de Laurent Boutonnat en 2007. Les périodes troublées évoquées ici sont la Révolution et l'épisode napoléonien. Corinne Marache, bien sûr, nous pointons systématiquement ce qui change de manière évidente, que ce soit le chemin de fer, que ce soit tous les conseils donnés par les agronomes. Mais il y a aussi, j'ose à peine le dire, mais des forces qui empêchent des évolutions. Il y a un système, cette France des notables, en fait, est double. À la fois, elle porte le progrès, et puis à la fois, elle fige. Oui. Oui, oui, exactement. Ce n'est pas si simple. Ce progrès, il est non seulement diffus, il est fait de micro-actions hein, qu'a évoqué Pierre Cornu tout à l'heure, mais effectivement, il s'accompagne, on va dire, d'éléments figés et cette place forte des notables hein, qui, même s'ils ne parviennent pas à diffuser le progrès comme ils le souhaiteraient, et si les corps intermédiaires, t'en as parlé tout à l'heure, ne sont pas tous efficaces, ces notables, dans le même temps, effectivement, contiennent d'une certaine manière le monde paysan. Pour prendre des exemples très très simples, ces notables voient par exemple d'un mauvais œil le fait que les enfants des métayers hein, qui valorisent leurs terres aillent à l'école au moment des lois Ferry. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Ces notables également, pour reparler des comices que l'on a évoqués tout à l'heure, sont en tout cas pendant les premières décennies hein, du fonctionnement de ces structures que sont les comices agricoles dans les années 1820, 30, 40 et encore dans les années 50. Eh bien, dans les premiers temps, ce sont essentiellement eux qui candidatent aux comices qu'ils ont créés pour justement diffuser ce progrès et pour avoir étudié pour un certain nombre de travaux antérieurs des dizaines de milliers de primés de ces comices agricoles. On s'aperçoit effectivement que ce sont surtout les notables ou alors leurs métayers directement, leurs journaliers directement, qui sont primés. Et finalement, le monde de la petite exploitation agricole, hein, des petits propriétaires, est très longtemps tenu à l'écart, absent de ces comices et donc du progrès qu'ils tentent d'instiller. Et là, les archives nous le montrent extrêmement bien. Donc il faut un certain temps pour que ces structures, que sont les comices, mais aussi les syndicats agricoles, et puis également les mutuelles agricoles, ou encore les caisses de crédit agricole, autant d'outils qui sont au service hein, du développement et de la mise en commerce des produits agricoles, eh bien, ils mettent très longtemps à être appropriés finalement par les masses paysannes. Et là, effectivement, c'est plutôt le tournant des 19e et du début du 20e siècle hein, où l'on voit un petit peu changer la donne et ce monde paysan prendre en main tous ces outils qui sont nés au 19e siècle. Les comices agricoles présents dans la littérature, présents dans les travaux des historiens, dans nos imaginaires, mais aussi dans la littérature. Dès le matin de la solennité, tous les habitants sur leurs portes s'entretenaient des préparatifs. On avait enguirlandé de lierre le fronton de la mairie. Une tente, dans un pré, était dressée pour le festin, et au milieu de la place devant l'église, une espèce de bombarde devait signaler l'arrivée de monsieur le préfet et le nom des cultivateurs lauréats. Jamais il n'y avait eu pareil déploiement de pompe. Plusieurs bourgeois, dès la veille, avaient lavé leur maison. Des drapeaux tricolores pendaient aux fenêtres entrouvertes. Tous les cabarets étaient pleins. La foule arrivait dans la grande rue par les deux bouts du village. Il s'en dégorgeait des ruelles, des allées, des maisons, et l'on entendait de temps à autre retomber le marteau des portes derrière les bourgeoises en gants de fil qui sortaient pour aller voir la fête. Marion Malenfant dans le cours de l'histoire qui lisait cet extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert en 1857. Madame Bovary Flaubert qui évoque plusieurs bourgeois. Ben, bourgeois, le mot est là. Bourgeois, c'est celui qui habite dans le bourg. Pierre Cornu, dans la structuration de ces espaces agricoles liés aux petites villes, peut-on dire que, eh bien, c'est de la petite ville qu'émane la décision sur l'espace agricole, ou alors trouvons-nous ce chemin inverse ou un dialogue constant? Je crois qu'il faut revenir là vous l'avez posé hein, de manière indirecte à la question sociale dans la France rurale du 19e siècle. Il y a un point de bascule dans ce siècle qui est la révolution de 1848. Avant 1848, la figure de la peur sociale, c'est le Jacques. C'est le paysan sujet à la révolte, aux émotions. Après 1848, c'est l'ouvrier urbain. Et donc il y a un renversement de l'attitude des élites intermédiaires en France qui va considérer que la paysannerie peut servir de socle à un régime conservateur, voire réactionnaire, et que c'est du monde urbain qu'il faut se méfier. Et l'encouragement à un développement agricole sous contrôle des élites est aussi un projet politique. Dans un pays qui se convertit au suffrage universel, où les ruraux sont majoritaires dans les recensements jusqu'en 1931, eh bien le vote rural est décisif. Et donc il y a une rivalité entre les élites conservatrices et les élites progressistes, pas simplement entre anciens aristocrates et nouveaux bourgeois, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Il y a des aristocrates progressistes et des bourgeois très conservateurs, mais effectivement il y a un point de bascule qui fait que l'encadrement du développement par le monde des notables a une visée ambiguë, à la fois effectivement de dynamiser l'économie rurale, et puis de contrôler socialement et politiquement le monde rural. Il faut rappeler que si ce monde des notables flatte la tradition, voire l'archaïsme du monde rural, c'est aussi parce que beaucoup de ces élites sont des propriétaires qui ne cultivent pas la terre eux-mêmes, qui ont besoin de régisseurs, d'ouvriers, et que plus les petits de la terre partent à la ville travailler à l'usine, à la mine ou dans le commerce, plus les salaires montent dans le monde rural. Et donc la déploration de l'exode rural, c'est une figure de style des élites de la terre qui vont, dans les concours, dans les comices, valoriser la bonne ménagère, le paysan courageux dur à la peine, qui ne demande pas trop, etc. Donc il y a un imaginaire là aussi qui se construit, qui est lié au champ politique de la deuxième moitié du 19e siècle. La question sociale s'invite dans la question du développement, parce qu'effectivement, l'industrialisation crée de nouvelles figures, déstabilise l'ordre politique. Et c'est ainsi qu'on va inventer un monde rural conservateur, qui n'était pas gravé dans le marbre. Voilà, c'est une production aussi, le monde rural conservateur. C'est passionnant ce que vous nous dites là, en 1848, avec la Révolution, et puis la Deuxième République qui s'instaure. Eh bien, nous passons de ce monde paysan qui faisait peur, oui, les jacqueries, oh là là, ils sont agités, à un monde ouvrier qui fait peur. Il y a le suffrage universel, et vous le dites bien, auparavant, le suffrage était censitaire. Ceux qui payaient un certain impôt pouvaient voter. Dès lors, tout le monde peut voter. C'est aussi mais une masse électorale qu'il faut réussir à capter. C'est cette histoire de la Seconde République, du Second Empire. Et nous pouvons continuer sous la Troisième République. La création du Salon de l'Agriculture bien s'inscrit dans cette histoire. Absolument. La République lutte contre les notables conservateurs qui ont créé les bases du syndicalisme agricole pour montrer que la République est soucieuse du bonheur de la paysannerie. Et donc, elle va diffuser avec ses propres outils, en s'appuyant sur la colonne vertébrale du ministère de l'Intérieur et de ses services, puis avec Léon Gambetta du ministère de l'Agriculture, toute une série d'institutions pour promouvoir la petite et la moyenne exploitation, qui va devenir le socle de la République, le socle électoral, hein, ça va être le grand succès du Parti radical dans toutes ses nuances, d'arriver à fidéliser un électorat rural qui va voter pour la République parce que la République ne l'écrase pas d'impôts, protège les marchés et assure la stabilité de l'agriculture de peuplement. Et c'est aussi ce qui fait que la France va rester, à la différence de ses voisins, un grand pays rural jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et que le basculement réel, le vrai choc de transformation, il est après 1945. On a un très long 19e siècle en France, en fait. Alors que le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, pour d'autres raisons, ont basculé dans des modèles très différents plus tôt. Et puis nous évoquons souvent les lois Ferry à la fin du 19e siècle pour parler de l'instruction, mais là aussi l'histoire est longue. Depuis les lois Guizot dans les années 1830, eh bien une fois qu'il a posé son pain noir, le paysan peut prendre son journal. Quand tu auras labouré, semé, moissonné, battu, comme nous, tu ne penseras plus à perdre le pain. Je fais la terre et le soleil. La terre et le soleil. Espèce de petite âne. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. C'est pas vrai, Martial? Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà ce qu'on leur apprend à l'école. Et qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école ? La Terre et le Soleil, c'est deux boules. Et la Terre tourne sur elle-même, et en même temps qu'elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Non mais, vous me prenez pour un couillon. Voilà où ça vous mène l'école. Voilà, ça, voilà où ça vous mène l'école, c'est le film Le Pain Noir de Serge Moati en 1974. Corinne Marache, dans cette relation complexe entre les petites villes et le monde agricole, il y a ce va-et-vient. Alors, bien sûr, il faut aller dans la petite ville pour trouver des services qu'on ne trouve pas à la campagne, au village, la pharmacie, par exemple, le médecin, qui se déplace aussi quand même beaucoup. Mais à l'inverse, la petite ville construit une image du monde agricole. Elle met en avant le terroir. Il y a ce va-et-vient sans cesse. Oui, clairement. Un grand nombre d'acteurs de la petite ville, vous avez évoqué le pharmacien, le médecin, mais aussi le notaire, le juge de paix, mais aussi et surtout les commerçants et les artisans sur lesquels je souhaiterais insister, sont vraiment au cœur de ces va-et-vient entre les petites villes et les campagnes, et donc entre le fait urbain et le fait rural, qui, loin d'être dos à dos, sont complètement liés et avancent de concert. Donc, ces commerçants et ces artisans, notamment les commerçants que l'on appelle, enfin tous ceux qui exercent des métiers de bouche, le boucher, mais aussi le charcutier, le boulanger bien évidemment, les revendeurs que sont l'épicier ou encore le quincailler qui parfois vend beaucoup de produits agricoles dans le cadre d'une certaine pluriactivité qui existe aussi chez ces commerçants de petites villes. Tous ces acteurs-là sont à l'interface, là encore, des campagnes et des villes. Ils mettent en lien les producteurs avec un espace marchand, un espace commercial à beaucoup plus grande échelle. Et ils ont un rôle qui, bien souvent, dépasse très largement celui de la revente hein, que l'on a dans notre imaginaire. Pour cela, revenons à l'archive. J'ai beaucoup travaillé pour étudier ces commerçants et artisans de petites villes à partir de leurs livres de comptes, qui nous permettent d'observer non seulement leurs travaux quotidiens, mais aussi ce qu'ils revendent, où est-ce qu'ils s'approvisionnent, comment on les paie. Et on s'aperçoit, dans cette étude au ras du sol, finalement, de cette vie quotidienne des commerçants et des artisans, que bien ils sont des acteurs à part entière de cette vie agricole. Ils vont dans les fermes, ils participent et ils réfléchissent avec les producteurs, avec les paysans, à la manière de faire évoluer les productions, la qualité de la production. Et ils sont surtout et avant tout les acteurs de leur visibilité commerciale. Ils sont les acteurs de leur sélection, leur qualité, leur renommée. Et finalement, sans l'ensemble de ces acteurs-là, qui jouent un rôle au moins aussi important à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle que les foires et les marchés, eh bien, il est très compliqué pour les paysans, finalement, de diffuser leurs produits. Donc, ce va-et-vient, hein, ce lien permanent entre ville et campagne, il passe en grande partie, et cela a souvent été oublié par tous ces commerçants et artisans. Et puis, quand nous pensons à la révolution industrielle et à la paysannerie, il faut peut-être poser comme base de réflexion que la révolution industrielle ne peut exister, Pierre Cornu, que grâce à la paysannerie, parce que il faut de la main-d'œuvre, donc il faut moins de personnes dans les champs pour cultiver autant, de façon à ce qu'il y ait des ouvriers, et puis il faut nourrir tous ces ouvriers, tous ces mineurs. L'industrialisation, l'urbanisation est portée par les progrès de l'agriculture. Alors effectivement, il y a à la fois des synergies et puis il y a aussi des frottements. Hein. Les relations entre le secteur agricole et le secteur industriel sont pas simples au XIXe siècle parce que parfois, notamment, les intérêts commerciaux sont divergents entre libre-échange et protectionnisme, par exemple. Donc les politiques publiques tâtonnent beaucoup au XIXe siècle sur la manière d'encourager les uns et les autres. Mais vous avez raison, sur le fond, l'industrie a besoin de transferts de main-d'œuvre depuis le monde rural. L'industrie a besoin de pain à bon marché. Pour que les salaires ouvriers soient le plus bas possible, il faut que le pain ne soit pas cher. Donc voilà, on a des contradictions qui sont liées à ces questions. Comme on a un socle de petites paysanneries républicaines satisfaites, donc qui vend bien ses produits, et en même temps du pain pas cher. Donc voilà, les contradictions, elles sont là. En rajoutant dans l'équation le fait que la France est en phase d'expansion coloniale, qu'elle est aussi en phase de rivalité parfois militaire et en tout cas commercial aigu avec ses voisins, avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne qui vient de s'unifier, etc. Donc il y a un champ de force extrêmement complexe. Hein. Je ne voudrais pas qu'on donne l'illusion d'une grande paix des champs au XIXe siècle. Le monde rural est fortement impacté par tous ces enjeux géopolitiques, géoéconomiques. On a aussi des productions coloniales qui arrivent jusque dans la France rurale. On commence à boire le café, etc. La France développe une viticulture intensive en Algérie. Voilà, tout ça, ça fait une image très complexe. Donc on a à la fois des choses que l'on peut voir à une échelle micro de relations entre des bassins de production, des petites villes et puis des circuits de commercialisation plus grands. Et on a une grande image des rivalités économiques et de la concurrence pour le développement en Europe. Vous avez raison, il ne faut pas idéaliser la situation parce qu'il y a des paysans grognons au XIXe siècle et ils ont raison et ils le manifestent. Mais tout comme vous nous avez dit que les travaux des historiens, des historiennes du monde rural peuvent être utiles pour réfléchir aujourd'hui à la manière de subvenir aux besoins des villes, nous pouvons le dire à l'inverse. En écho à ce que nous a dit Corinne Marache, la petite ville avec le pharmacien, le médecin, l'épicerie, l'artisan. Cet équilibre, ce fonctionnement, aujourd'hui, est rompu. C'est aussi une réflexion sur nos campagnes, où nous voyons les petites villes, les bourgs, être en train d'être désertés de toute activité. Alors, effectivement, entre Corinne Marache et moi-même, vous avez des historiens français qui sont attachés à une conception géohistorique, à cette idée que cette bonne vieille culture française, histoire géo, elle permet de comprendre des choses dans la longue durée et elle nous permet, nous, de dialoguer avec les géographes, avec les sociologues, avec les économistes du temps présent et d'éviter les pièges des illusions sur le 19e siècle, donc de ne pas idéaliser ou de ne pas faire non plus un tableau noir du 19e siècle. Et d'inscrire les choses dans la durée. Et effectivement, le 19e siècle nous a légué une certaine nostalgie d'une société rurale dense, avec des liens humains, économiques, politiques très étroits, et l'idée d'une déshérence du monde rural. On voit bien dans le mouvement des Gilets jaunes en quoi cette nostalgie nous travaille, et en quoi la crise écologique nous précipite vers un besoin de reterritorialisation de notre alimentation, qui peut se faire parfois sur le mode de la panique, ou de l'utopie, et qui va amener l'historien à rentrer dans le débat très contemporain sur ces questions-là. Cela dit, moi j'invite toujours à faire la part des choses entre les réalités, effectivement, de la désertification médicale, des problèmes d'accès aux services publics, du problème des transports dans le monde rural d'aujourd'hui, et puis l'idée que, finalement, la déploration de la mort de la terre, c'est une des figures les plus dominante de la littérature, du cinéma, de la production culturelle française. Donc voilà, le discours de la déploration, il est aussi ancien que la question du rapport entre rat des villes et rat des champs. Donc voilà, il faut faire la part des choses sur ces enjeux-là. Bon, merci beaucoup, parce que c'est bien, l'historien, l'historienne est toujours apte à la nuance, ce que le débat perd bien souvent aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux, Corinne Marache, de nous avoir donné cet éclairage. Je vous rappelle votre livre, Les petites villes et le monde agricole en France au XIXe siècle. C'est aux presses universitaires de Rennes. Et merci aussi à vous, Pierre Cornu. Vous êtes commissaire scientifique de l'exposition La guerre des moutons. Alors là, c'est spécifique, mais c'est en écho à ce que vous venez de dire, le Mérinos à la conquête du monde, et les dates sont là, 1786-2021. L'histoire parle au présent. Merci beaucoup à tous les deux. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Connaissiez-vous la guerre des farines? L'une des plus importantes révoltes qui précéda l'explosion révolutionnaire de 1789 eut lieu au printemps 1775. Partie des campagnes d'Île-de-France, elle s'étendit dans tout le nord et l'ouest du pays, touchant à la fois les villes et les campagnes. L'intérêt de ce mouvement social pour la recherche historique tient au fait que ce fut l'une des premières manifestations massives contre le capitalisme libéral. Au XVIIIe siècle, le système capitaliste connut un développement brutal en Europe, stimulé par le trafic colonial. Les économistes qu'on appelait les physiocrates s'emparèrent du thème de la liberté, cher aux philosophes des Lumières, pour tenter de résoudre la crise financière dans laquelle était plongé l'État royal depuis l'époque de Louis XIV. Confrontés aux grandes famines qui décimaient la population et qui déclenchaient de puissantes révoltes dans le monde rural, la monarchie avait pris l'habitude d'intervenir sur le marché des céréales pour assurer l'approvisionnement des villes en stockant des grains. ce qui encourageait la spéculation sur les cours. C'est pour tenter de mettre fin à ces pratiques que Turgot, nommé par Louis XVI contrôleur général des finances, imposa la libre circulation des grains. Malheureusement pour lui, cette mesure provoqua une hausse des prix du blé, amplifiée par les mauvaises récoltes de 1773 et 1774. Le petit peuple fut alors plongé dans la misère, car le pain constituait toujours la base de son alimentation. Cette crise déclencha le puissant mouvement social que les historiens appellent la guerre des farines. Les émeutiers, épaulés par les bandes de mendiants qui affluèrent vers les villes, pillèrent les boulangeries et prirent d'assaut les halles où étaient encore stockés des grains. Ils s'en prirent physiquement aux meuniers, affairistes et aux spéculateurs. Comme je l'ai montré dans mes recherches sur les luttes populaires en longue durée, on constate qu'elles permettent toujours à des inconnus de connaître leur jour de gloire avant de disparaître de la scène de l'histoire aussi brutalement qu'ils y étaient entrés. L'un des leaders de la guerre des farines s'appelait Jacques Delepine, un maçon cabaretier de Villemomble. Emprisonné à la Bastille, il écrivit au lieutenant général de police pour expliquer son geste. Père de 7 enfants en bas âge, criblé de dettes, n'ayant que son métier et ses bras pour capital, la hausse des prix du grain avait plongé sa famille dans la misère. Il termina sa lettre en disant que sa révolte paraît soit si légitime que vous-même, monseigneur, vous y auriez été aussi si vous aviez été à ma place. Ces propos illustrent une autre conséquence des changements qui étaient en train de se produire dans la société française. Avec la liberté, c'est le thème de l'égalité qui commençait à pénétrer dans les classes populaires. En incitant le lieutenant général de police à se mettre à sa place, ce maçon proposait, mine de rien, que les dominants rejoignent les dominés au sein d'une même communauté humaine. Malheureusement pour Delepine, le lieutenant général de police tenait à conserver sa place. 162 émeutiers furent arrêtés et 2 d'entre eux, un perruquier et un compagnon gazier, furent pendus en place de grève pour servir d'exemple. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Et merci aussi aux équipes de France Bleu Aquitaine. Une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Zudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrens. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.